nuit des temps se réveille des méchants qui veulent tuer, dépecer, éplucher, bousiller. Les forces du mal veulent conquérir la terre, mais heureusement des héros sont là pour les faire taire. Des chevaliers en armure venus du fin fond de la galaxie font un barrage, un mur, ils leur couperont la route, qu'ils soient 100 000 ou 6. Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac. Saint Seiya, Shiryu et Seiya. Ouh yeah. Saint Seiya, le pouvoir de Pégase est en toi. Saint Seiya, oui tu vaincras les forces du mal. Athéna est là, et du coup elle vous envoie affronter, déchirer, découper, exploser les forces du mal au fin fond d'un championnat. Celui qui décidera si t'es digne de Pégase. Des chevaliers en armure venus du fin fond de la galaxie font un barrage, un mur, ils leur couperont la route, qu'ils soient 100 000 ou 6. Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac. Saint Seiya, Shiryu et Seiya. Ouh yeah. Saint Seiya, le pouvoir de Pégase est en toi. Saint Seiya, oui tu vaincras les forces du mal. La guerre galactique entre les chevaliers du Zodiac en est à la deuxième manche. Et le chevalier Andromède vient de marquer un point décisif contre la licorne grâce à sa chaîne Nebula. La chaîne d'Andromède a senti qu'un danger guettait tous les chevaliers. L'ennemi en question n'est autre que le propre frère d'Andromède, le chevalier Phénix. Des chevaliers en armure venus du fin fond de la galaxie font un barrage, un mur, ils leur couperont la route, qu'ils soient 100 000 ou 6. 106. Saint Seiya, le chevalier du Zodiac. Saint Seiya, Shiryu et Seiya. Ouh yeah. Saint Seiya, le pouvoir de Pégase est en toi. Saint Seiya, oui tu vaincras les forces du mal.